Le jour de mai, par Léo Larguet. Ce dimanche de mai, me disait mon vieil ami Julien Dombelle, est tout pareil à un grand dimanche féerique qui fut le plus beau jour de ma vie. J'étais au collège, et j'avais ce matin-là, dans la chambre qui m'était réservée chez mon correspondant, troqué ma redingote mal taillée de potache contre un veston bleu fleuri au revers de quelques violettes. Je ressemblais à Chérubin, et je n'avais pas encore l'âge de Fortunio. Remontant l'avenue des Champs-Élysées, j'allais sonner à la porte d'un hôtel dont les fenêtres étaient encore fermées. Sous les violettes de ma boutonnière, mon cœur s'était arrêté de battre, et un valet de chambre vint ouvrir, en gilet rayé, jaune et noir, comme un corselet de bourdon. « Madame Roselion, » murmurai-je. Je fus introduit dans un salon tendu de soie bleue. Des roses semblables à des corsages dégrafés s'épanouissaient sur tous les meubles, et un énorme bouquet de muguet qui embaumait trop fort couronnait une coupe de cristal. Un bras nu souleva la portière et je m'inclinai. J'avais préparé des phrases que je ne trouvais plus. Je balbutiai. « Je vous demande pardon, madame, je venais pour une dédicace. » Et je tirai de ma poche un portrait de Roselion, une de ces photographies qu'on vend au Palais Royal, à côté de celle des vieux poètes, des acteurs illustres et des reines légitimes. Roselion avait été photographiée dans une robe de théâtre qui la montrait, les épaules et les bras nus, pareille à une divinité blonde. Elle écrivit, après m'avoir demandé mon nom, quelques mots au bas du carton, et elle me le tendit après en avoir séché l'encre d'un nuage de poudre de riz. Je le pris en tremblant si fort qu'il fallut se confesser. J'avouai que j'avais depuis 6 mois ce portrait dans mon pupitre, que j'avais voulu l'avoir, que je serais si heureux de lui offrir à déjeuner. Je perdais la tête et je lâchais, vermeil comme les roses qui s'effeuillaient sur les meubles, que si elle le désirait, nous irions tout de suite à Robinson. Stupéfaite, Roselion me regardait, puis l'éclata d'un rire frais. La proposition lui paraissait tellement drôle. « Vous êtes trop gentil, » me dit-elle. « J'accepte. Nous allons déjeuner à Robinson. Je vais m'habiller. » Elle sonna. Une soubrette parut, tenant une carte, que la jeune femme jeta sur la table. « Je n'y suis pour personne. Je ne serai pas chez moi de tout aujourd'hui, » fit-elle. Lorsque je fus seul dans le petit salon azuré, plein de roses mûres, j'osai regarder la carte et je lus « Christian Rodolphe, 22 ». C'était le régent d'un royaume balkanique. Je tâtai mon porte-monnaie que j'avais peur d'avoir perdu. Un unique louis y brillait, et c'était une fortune pour mes 16 ans naïfs. J'avais 20 francs, et je devais traiter au cabaret une beauté célèbre qui refusait sa porte à une altesse. Elle voulut faire à pied le chemin de son hôtel à la gare. Elle avait mis une petite robe claire et simple, sans un bijou. À Robinson, elle choisit la guinguette la plus rustique, celle où l'on mangeait pour 3 francs une friture et un lapin sauté sous une tonnelle. Elle avait l'air ainsi d'une jolie modiste, et nul parmi nos voisins, étudiants, grisettes et calicots, n'eût pu reconnaître cette Roselion qui avait des diamants d'impératrice, des chevaux de l'ordre anglais, un hôtel au bois et un palais à Venise. Nous nous balançâmes sur la même escarpolette, nous fîmes 1000 folies innocentes et nous rentrâmes à Paris vers 5 heures. Roselion avait une charge de lilas. Elle avait dû donner des ordres avant son départ car sa voiture l'attendait à la gare. Elle me quitta et je vis que ses beaux yeux étaient pleins de larmes. Cette journée à la campagne avec un enfant éperdu de timidité et d'admiration l'avait émue. Elle lui avait rappelé sans doute d'autres après-midi de soleil et de liberté, son adolescence, le premier amour, que sais-je. Dans mon trouble, j'avais oublié chez elle la photographie dédicacée. Elle me promit de me l'envoyer le lendemain et je rentrai. Depuis que Paris est bâti, il y a eu des rois, des triomphateurs, des amoureux enivrés. Mais je suis sûr que nul n'en foula jamais les pavés avec autant de joie et de fierté que moi ce soir-là. Le lendemain, vers 5 heures, je fus appelé chez le proviseur. Mon correspondant y était déjà, et il tenait entre ses doigts la photographie de Roselion. La divine paresseuse avait dû confier l'envoi de l'image à une servante, qui avait, pour plus de délicatesse, enveloppé le carton dans un papier léger et transparent. Roselion avait ajouté à la dédicace. Elle parlait de Robinson, de Lila et du soleil de mai. Devant le proviseur, je fus sublime.